6 heures. Je suis la berge où les longs peupliers dorment debout. Sur leurs fûts immobiles, au parchemin de l'écorce grise, la nature propose des rébus, et les parmélies les plaquent à la base d'un or usé, cuit par la gelée. Un chemin à peine indiqué, dans la neige étendue et compacte, aux fines nervures d'épiderme, mes pas sont des blessures. Plus rien que des bouts de prés, jaunes comme la fourrure écrasée de bêtes tuées, mal enfouies. Ici, point de floraison nivéale, tout est détruit. Les saules étêtés se dressent, pareils à des ossements, et tous les arbres morfondus rappellent la forêt maudite, à la sève boueuse et sanglante, où revivent les âmes criminelles des suicidés. Le fleuve passe en se plaignant. Ah, ce n'est plus le grondement formidable des beaux jours, cette charge lancée avec un fracas de victoire, heurtant les ponts. Non, c'est un miserere qui coule, s'alentit aux éperons bleuâtres des brise-lames, reprend, diminue et va perdre sa lassitude dans le lointain. Un tronc d'arbre enlisé relève une tête d'hippocampe géant et momifié. La glace vitreuse et tranchante des bords avance dans l'eau, ses dents de scie. Elles cèdent lugubrement sous la pression du flot et s'en vont à la dérive des blocs détachés en partance pour l'inconnu. Ou bien un quartier plus élevé se fend et s'abat avec le bruit sinistre d'un corps qui se noie. Les corbeaux ténébreux marchent sur la nappe aveuglante. Dans cette blancheur qui arrête leur forme aiguë et la découpe durement, cette blancheur où les pas griffus des renards laissent des traces de chaînes légères, ils plantent au hasard les clous épais de leur bec, et tout à coup un chien noir se met à hurler vers le ciel. Qu'y a-t-il de si terriblement passionné au fond de cette tristesse boréale? Est-ce le halètement de mon âme solitaire qui fume, souffle chaud dans le froid? Vole à grands coups d'ailes par la plaine ensevelie et va se buter éperdument aux forêts, aux montagnes aveugles et sourdes sous leur rigide carapace. Est-ce toute ma douleur de vivre qui s'exaspère et divague pour redemander des voix à ce silence, une force à cet épuisement? Quels mots crier vers ceux qui errent et que je ne vois pas? Suis-je seul, vraiment seul? En face de cette onde fatiguée que blessent des poinçons de glace avec un air de cruauté? N'y a-t-il pas tout près de moi les malheureux que la fièvre algide doit torturer pour l'éternité? Qui me dira pourquoi je tremble? À 10 pas se découvre le sable humide et crevassé, comme ces laveuses que je vis agenouillées sur les bords lumineux de l'Adour. La mort est là, sa taille élégante repliée, qui est songe de longs draps dans le fleuve oxydé par un couchant sulfureux. Sur la neige, sa faux couchée se repose. Vers mon visage se tournent les 2 ombres rondes de ses yeux absents. « Bonsoir, » dit-elle. « Bonsoir, tu as donc laissé ta besogne ? J'ai 1 minute avant la fin du jour. Prends garde que ta lame se rouille. Sois sans crainte. Je l'ai graissée avec l'huile de la lampe de vie, c'est la meilleure, et je vais la lancer de nouveau dans mon pré toujours vert, et puis je ferai de grands bouquets de pensées sauvages et d'autres cultivées, de beaux bouquets que je garde dans ma maison, dans un air purifiant qui les ranime sans cesse. » La mort à la voix jeune de l'Éternel, ignorante de toute fatigue. « Mais maintenant ici, que fais-tu ? Je t'attends, parce que tu m'aimes. » « C'est vrai. Tu le sais donc ? » Et je pose mes lèvres sur sa main d'ivoire, où pendent des perles glacées. Elle reprend. « Je suis ton amie, ta grande amie, car tu as compris ma douceur, et tant de pauvres êtres me craignent. Les fous, toi, tu sens que je tranquillise les cœurs. Viens, regarde au fond de mes orbites. Tu y verras fleurir, comme des gentianes, les prunelles tendres de l'homme que tu aimais. Mon front s'éclairera de reflets blonds. Mes dents te rendront son sourire, si chèrement payé. Comme il te prenait entre ses bras, je te prendrai. » Je sentis la fraternité de cette poitrine ouverte, libérée de la chair tentatrice. Au fond des cryptes, que le regard n'habita jamais, 2 lueurs s'allument, et la voix se fait plus caressante. « N'es-tu pas bien ainsi ? Laisse-moi te bercer. Et puis, dans le grand lit du fleuve, sur le souple limon, je te coucherai. À tes épaules, je mettrai sa mante verte agrafée d'argent, son écume autour de tes cheveux, comme le tulle que tu portais les soirs de bal. Je te prête une traîne d'algues et des mules blanches. Tu t'en viendras par mes sentiers. Que fais-tu ici, avec ton cœur crevé, tes bras vides, tes yeux qui attendent parmi tant d'amertume, d'indigence, de vanité? N'as-tu pas assez souffert, assez aimé, assez pleuré? Laisse figure de cire qui se dissolve, la passion n'emporte que les privilégiés. Alors j'entends clairement le miséréré, pourquoi souffrir, pourquoi pleurer, mais s'en aller et s'endormir. Ma pensée s'engourdit, j'aperçois vaguement les petits estuaires d'émeraude qui reçoivent la flottille nacrée des rayons de lune. L'étreinte se resserre plus persuasive, je m'abandonne, des remous brusques autour des pierres font, comme en notre âme, les soudaines colères, les frénésies qui se brisent à l'impossible et l'inutile recommencement du geste auquel aucun geste ne répond. La mort s'est courbée jusqu'à ma bouche. Comme il est calmant, son baiser est infini, un baiser qui emmène vers la paix. La voix continue, « Prends cette clé de fer. Quand le flot t'aura porté jusqu'à mon domaine, tu ouvriras la porte du jardin de repos. Un lotus immortel croît au milieu d'une vasque, presse-en les fleurs entre tes dents, et pour jamais tu seras délivré. » Mes pieds déjà touchent la vague assombrie. « Ô mort, m'écriai-je, dois-je trouver là-bas ce que j'ai vainement cherché durant toute ma vie? La beauté sans ombre, la poésie sans mensonge, l'amour sans désillusion? Mieux que tout cela, mieux que cette trinité perfide, là-bas tu trouveras l'oubli. » 7 heures. J'entre dans la cathédrale, rien qu'une lampe souffrante dans l'obscurité. L'eau du bénitier est un morceau de glace, une gemme lourde, enchâssée dans le marbre où se heurtent mes doigts hésitants. Et la voûte monte, tragique et si noire. Ne t'ai-je pas senti partout, voûte de désespoir, planante sur ces heures dures? Ne reviens-tu pas arrondir ton arc d'épouvante chaque fois que je lève les yeux au ciel? Qui me soulagera? La mort me promet l'oubli, je la crois. Il n'y a que la vie qui mente. Maintenant que tout est flétri, elle est recroquevillée, entêtée dans sa fourberie, sans une éclaircie à sa face mauvaise, jamais je ne t'ai tant abhorré. Le sort m'a saisi comme un boucher. Oh, laissez-le faire, il enfoncera le couteau jusqu'aux manches, il fera sauter mes artères et mon mal s'en ira doucement avec mon esprit. C'est mieux, je ne sais par où m'évader. Est-ce le grand portail qui s'ouvrira sur la place publique, où des gens parlent vers le milieu du jour? Est-ce la porte basse sur le jardin discret ou près du Christ, expirant, une tête de mort au pied? Quelle heure, au cadran de la tour, marquera la délivrance? Quelle cloche bénie sonnera l'arrivée de la barque dans le port pavoisé? Pierre, vous vous taisez, votre âme d'encens caresse mon âme et la parfume sans la consoler. Le froid descend des ténèbres amassées sur ma tête, il monte du pavé gris qu'un pas frotte de temps en temps, il met sa face exsangue aux verrières hautes, il prie à genoux près de moi, il s'insinue dans les confessionnaux, ces retraites du pardon où la conscience s'allège, où sont cachées des fontaines purifiantes, une eau réparatrice venue droit du ciel. Oh, chercher la place où tu t'es prosterné pour y poser ma tête, rester là, immobile. Mais non, il faut prier. Que suis-je venu faire dans la maison de Dieu? Seigneur, voici mon cœur par terre. Je l'ai jeté sur les dalles du temple. Regardez-le. C'est un misérable objet, mais vous l'avez créé. Il est sorti de vos mains un jour dans la beauté suprême de votre éternité. Vous l'avez voulu enfant et sincère, étonné devant la vie. Vous l'avez voulu adolescent, curieux des choses du dehors. Vous l'avez voulu heureux pendant quelques secondes, plus prompte que les éclairs qui environnent votre gloire. Vous l'avez voulu douloureux, surtout. Et pourquoi? Je vous le demande. Répondez-moi, ô Père, Pourquoi ? Il faut descendre ici, et le ramasser, et le guérir, et le remettre dans ma poitrine, aussi beau qu'un ex-voto d'argent qui brille quand le soleil le touche à travers le vitrail, aussi pur qu'aux heures où, dans le mystère des temps, avant d'éclore, il sommeillait en vous. Vous le pouvez, je ne peux rien. Toute ma force est enfuie. Mes bras sont trop faibles pour s'élever. Je ne peux plus prier. Ma langue se grippe. Le bois où je m'appuie est plus glacial qu'une barre d'acier. Sans bruit, hermétique et glissante comme une apparition, une religieuse passe. Et si la lampe unique s'éteignait ? 8 heures. Lettre à l'absent. Que te dirais-je ? Que ne te dirais-je pas ? Peux-tu m'entendre, ô toi qui si souvent t'es penché vers ma bouche pour y boire ma pensée fidèle ? Depuis que la porte s'est refermée et que j'ai entendu mourir ton pas, dans le mystère où tu es entré, tu demeures invisible et silencieux. L'éloignement me fait mieux sentir combien en moi tout est limité. Les regrets torturants, les désirs affamés qui s'échappent de ma poitrine ne peuvent retrouver ta trace perdue. Et l'heure assise à mon foyer est une heure étrangère pour mon ami. Aussi, je me défends de l'interroger. Elle est muette. Elle ignore, comme moi, si tu dors ou si tu veilles, vers quel chemin se dirigent tes pas. Elle ne m'apprend rien de ta vie, ni de ton âme, en qui mon âme respirait. Tu es le son de cloche évanoui dans le lointain, le navire disparu sur la mer, l'insaisissable que mes yeux cherchent en vain. Pourquoi nos pensées ne peuvent-elles se rencontrer et s'étreindre, se reconnaître et se consoler, comme ces sœurs qui, lorsqu'un malheur a frappé la famille, vont l'une vers l'autre en se tendant les bras ? Non, rien qu'un pont effondré dans l'onde indifférente des jours qui passe sans écouter les lamentations des bords, et toi, sur l'autre rive, que je n'aperçois plus. Dis-moi que la douleur ne prévaudra pas. Elle ne peut briser les fils tendus de ton cœur au mien. Les dents rongeuses de l'absence font saigner la place absoute, où, tenaces, ils se sont noués, mais qu'elle les arrache, jamais. On perd confiance, après le coucher du soleil, quand tout se fige et bleuit. Moi, je crois en ton amour, comme au retour de l'été. J'appuie désespérément mes deux mains sur mon sein déchiré, et je les serre, ces liens angoissants qui m'ont fait un bonheur plus cruel qu'un supplice. Je les tiens, car tu me seras rendu, et j'attends. J'attends. Ainsi fait le visionnaire qui sait que le cortège s'avancera pour lui donner le prix de sa patience. Après les heures ternes et vides, dans les midis resplendissants, s'élèvent d'enivrantes symphonies, et rutilent les bannières, et piaffent les chevaux empanachés. Alors, il pleut des roses et des roses, et l'avenue où le solitaire vint s'asseoir, morne et désolé, s'emplit de joie et de parfums. J'attends. Peut-on m'accuser de folie ? Qu'il se lève, celui qui n'a point un seul jour fait comme moi. Elle a trop duré cette ironie de songer que ceux qui n'attachent aucune valeur à mon bien le possèdent. Ton regard se pose sur une femme qui n'en sent pas la caresse. Ta voix s'élève pour ceux qui n'en connaissent point la musique. Ta main, au hasard, flatte, ou l'enfant qui sourit, ou le chien familier. Et moi, je meurs un peu chaque jour de n'avoir plus tes yeux dans les miens, tes paroles chantantes à mon oreille, et ta main douce qui rafraîchissait mon front. Oh, je t'attends. Je ne vis que pour entendre sonner l'heure du revoir. Que la route est longue. Est-ce bien celle qui mène à cette contrée inconnue d'où tu reviendras ? J'ai tant pleuré que mes yeux distinguent mal les choses, et c'est la nuit. Mais une voix me dit que là tu dois te dresser ardent et joyeux. Je veille sur le seuil, tandis que volent les mouches d'hiver et que, dans la chambre austère, tourne lentement la laine blanche du dévidoir. Ton visage éclairé m'a veillé, maintenant la lampe s'est endormie. Pourquoi rentrerai-je là, sans toi ? Les flocons posent sur mes cheveux des fleurs d'aubépine. Viens, bientôt la couronne sera tressée, et tu prendras ma main, si claire au jour de septembre, que le froid a marbré de ses durs baisers. Dans mon cœur, je garde les paroles tendres qui le brûlent, Le gel peut venir souder les portes et terrifier la vie, mais cela en moi, qui saurait l'atteindre? Oh, quand je te retrouverai, tandis que la neige curieuse montera pour contempler notre bonheur, je les laisserai s'ébattre autour de ta tête, ces mots éblouissants comme des oiseaux des îles, aux ailes incendiées, et tu entendras une divine mélodie, car c'est le cantique secret de mes veines murmurantes qu'ils rediront. Alors, les faces mortes cachées sous les doigts pâles, qui pleurent au rythme du vent, s'enfuiront. Reviens avant que moi aussi, je sois dans le silence, un masque décoloré. 9 heures. Qu'ai-je dit? Je suis seule. Le vent monte et la ville se tait, contractée, durcie dans le froid, avec ses rues vides et ses lampes tristes, comme les flammes qui veillent un trépassé. La nuit s'est assise, réprouvée, au bord du fleuve qu'on ne voit plus. Qu'y a-t-il de funeste et d'inexorable dans son obscurité? Quel spectre, quels sanglots, quels reproches, quelles fatales incantations! Qu'y a-t-il? Je sens toutes les tristesses sur mon âme et je souffre. Oh, je souffre mille vies douloureuses, ruées dans mon seul cœur. Pitié, je n'y vois plus. Je tends vainement les mains. Je supplie. Je ne peux pas repousser ce tourbillon d'angoisse. Je ne peux pas repousser les flocons dans la tourmente. Ils tombent, mais avec eux, quels vampires s'abattent en moi. Effroi plus dense que la glace, désespoir plus opaque que la nuit. Oh, cher, chère vision, ombre des bonheurs épuisés jusqu'à l'inconscience, dis-moi pourquoi ce grand corps de plomb qui m'écrase, pourquoi cette heure étouffante appuyée sur ma poitrine, pourquoi son souffle tuant sur mes yeux. Je suffoque et je gèle, je ne sais plus, je ne veux plus. Viens, chasse-les. Y a-t-il encore un être vivant parmi ceux que j'aimais? Non, c'est la solitude, le gouffre ouvert. Je roule dans la tempête avec les flocons fous et blancs qui brûlent tant ils sont glacés. Pas une porte amie qui s'ouvre sur la route, pas un foyer accueillant et rouge qui fasse oublier. Rien que les horizons qui hurlent comme des chiens maudits. Je dis à la bougie, pourquoi ne parles-tu pas? Je vois que tout m'abandonne et que mes yeux sont épuisés. Tu vis cependant. Ta face jaune se balance et cherche à droite, à gauche, quoi? Est-ce un appui? Est-ce une autre flamme qui double la tienne et te soit une compagnie? Alors, je comprends, toi aussi tu languis et tu descends vers la mort, le long de ton piédestal blanc. Ta petite âme s'exhalera avec la dernière goutte de ta cire consumée. Ce sera de la bonté morte qui aura palpité près de moi et chassé l'ombre de ma chambre déserte. Esprit vigilant, gardien de ma détresse, symbole vivace et rapide de ce qui brûle dans ma chair, ô flamme, mystère, entends-moi. Pourquoi le souffle de l'hiver n'entre-t-il pas maintenant pour m'éteindre, comme tu peux t'éteindre, toi? Pourquoi ne s'ouvrent-elles pas les lèvres apitoyées qui rendront aux ténèbres ce brasier dévorant? Quand je pencherai la tête comme toi, quand j'inclinerai mon cœur, chaviré d'inquiétude, que tous les serpents des nostalgies viennent remordre, que trouverai-je? Ma main, vide et froide, pour y poser ma joue, et continuer à enfoncer, droit devant moi, dans la pénombre, mes regards cuisants, si fatigués d'avoir interrogé. 10 heures. Reviens au rêve, parle-moi. Ombre douce qui chantais un hymne d'amour, au temps où les doigts purs du crépuscule d'été jouaient dans mes cheveux, ta voix s'est tue. Qu'y a-t-il sur les champs de seigle là-haut? Une grande toile blanche, comme sur le cercueil des filles, et le petit chemin où je menais ma rêverie l'hiver, qui efface les routes, n'en a rien laissé. Les chicorées sauvages ont fermé leurs doux yeux, les pierreries des élytres sont mortes, et la maison sous les noyers s'est paralysée dans les bras glacés des nuits. La fenêtre, qui flambait durant les soirées de septembre, comme un feu de la Saint-Jean, reste impénétrable pendant les longues heures d'abandon, et la porte ne s'ouvre plus. J'avais porté là des raisins mûrs, des poires couleur de paille, des pommes aux joues ardentes. Les fruits parfumaient la chambre de bois, dorée comme les châsses précieuses qui renferment les reliques des saints. J'avais porté là des trésors qu'on ne peut voir pour te les donner, ombre qui chantait. Mais qui étais-tu ? Étais-tu l'âme chaude des jours brillants qui enlevait mon âme en face du soleil ? Étais-tu l'illusion merveilleuse, renaissante, avec la joie des feuilles nouvelles et le chant des eaux délivrées ? Étais-tu l'amour ? Debout sur mon seuil, impérieuse et grande, tu te dressais, et je t'ai donné tout mon être, épris de vie passionnée. Que n'ai-je pas mis entre tes mains ? Mon front brûlant et mes pensées secrètes, mes yeux charmés et ta vue, mon cœur d'où coulait une tendresse d'une pureté infinie, en qui se confondaient, comme dans le miel noir de la forêt, toutes les essences de la montagne bien-aimée. Alors, près de moi, tu respirais. Ton souffle, large et puissant, gonflait les voiles de mes songes, plus altiers que des galères cuirassées d'or. Tendu vers ton baiser, ma bouche recueillait en toi la force qui fait bondir les torrents et s'allonger les branches et se lever les moissons. Sur ta poitrine, je reposais dans l'éblouissement d'été et le bonheur jusqu'aux entrailles me pénétrait. Dans le pré vivaient les delphiniums aux lèvres bleues qui sont pourprés et rayonnaient les astres des tournesols et tournaient les vols batailleurs d'épis. J'entendais rire l'automne au loin parce que la vendange était belle et qu'elle devait remplir le pays d'amour et de chansons. J'entendais cela couché sous le mirabelier qui me jetait à la figure ses boules blondes, et le ruisseau à mon oreille disait des mots d'éternité. Qui étais-tu, toi qui revenais dans la nuit ? Le pas que j'attendais sur le sentier pierreux, l'onde d'ivresse qui gonflait mes veines en face du ciel harmonieux, où Vénus brillait unique et dominatrice. La voix qui disait « C'est toi !» Le geste éperdu qui m'enveloppait de son étreinte, où l'oubli, l'apaisant oubli, coulait comme une cascade fraîche sur toutes mes douleurs. Qui étais-tu ? Le rêve qui console. Et, si je sens mortellement dans toutes mes fibres la cruauté de l'heure présente, est-ce pour t'avoir trop aimé ? Non, jamais trop, et je ne vis que pour t'aimer encore. Car tu m'as tendu la bonne coupe, et j'ai bu. Maintenant, c'est la réalité d'hiver. Je m'en vais dans le sommeil. Y retrouverai-je l'horrible vision qui me poursuivit cet autre soir, où la neige s'appuyait, fantôme blanc, à ma fenêtre ? Une longue file de platanes s'enfuyait jusqu'à l'horizon et, contre leur tronc livide, tous les cadavres de mes parents, de mes amis, un croc fixé dans le cou, étaient exposés comme de sinistres épouvantails, ballant au vent du nord. 11 heures. Non, ce n'est pas cela. J'ai fermé les yeux et l'heure est entrée dans le château de mon âme avec une masse écrasante, des lames qui tranchent et des poignards effilés pour percer jusqu'à la mort. On l'a laissé passer. Personne ne veille aux poternes, personne ne défend les cours. Elle est venue, avec sa cotte blanche, lourde et volontaire, pour faire un effroyable carnage, et tout en est ensanglanté. Ses pieds de fer traînent sous le porche sombre que les soirs de fête faisaient flamboyer et qui croule maintenant, noir et glacé. Oh, le château, le beau château, dominateur insolent des vallées, avec ses tours d'orgueil, ses remparts de dédain et les cohortes d'illusions tournant par le chemin de ronde. L'appel vibrant de la volonté rouge sous son armure étincelante au fait du donjon. Oh, les joies vives qui sonnaient des fanfares et cette meute de voluptés tressaillantes comme les souples lévriers aux yeux chauds. Emportés à travers la ruine, balayés avec les feuilles mortes et les débris épars des murailles découronnées et le blason hautain avec son implacable devise « Tombez ». Vigie. Montez sur la dernière pierre, qu'entendez-vous ? Les sapins sur la pente, pleins de frissons. Que disent-ils ? Un temps fut où tout vivait. Il y avait des feux aux créneaux, des voix dans le vent et des épieux lancés dans la forêt. Et ce silence, maintenant, là-haut, pourquoi ? Encore, qu'entendez-vous ? Là-bas, le torrent parmi les rochers d'argent qui mène ses sanglots jusqu'à la plaine? Que dit-il? Il dit « Je veux oublier, oublier, oublier ». Encore, encore, qu'entendez-vous? Près de la croix, un cri très long et fou. Courez! Voici, la jeunesse s'est couchée là un soir que le soleil coulait sur le pays comme un vin empourpré. L'amour qui la berçait l'endormit, et vinrent les songes et les mirages des nuits. De combien de nuits? L'hiver, hélas, l'a réveillée. Elle agonise sous ses doigts tords. À présent, c'est fini. Vous entendez ce silence. Elle dort, mais parmi les esprits. Oh, ne parlez plus, ce cri, et pourquoi ne m'avez-vous pas dit que tout mon beau manoir était détruit? Parce que, dans la brume, la tour d'inquiétude est demeurée debout. Par le château ruiné de mon âme, avec sa côte blanche, l'heure a passé. Minuit. Le clair de lune tout à coup s'avance dans le vieux jardin. Le cornouiller agite ses bras noirs et les rameaux tressés des glycines ont des enroulements de chevelure. C'est une pluie de diamants sur les buis des bordures et des millions de lueurs blanches se suspendent au sapin comme pour un Noël. La maison dort, mais le jardin s'éveille. Sous ses courtines de neige, il frémit amoureusement. Car voici que des formes enlacées descendent le perron, leurs mains traînant sur la rampe forgée. Mes yeux, cachés entre deux feuilles de houx, voient les habits galants de velours orange, les jupes de soie fleuronnées, les busquières bossuées de perles, la cuirasse scintillante comme un lac, et les améthystes sur les doigts fins. Le silencieux cortège a franchi le dernier degré. Une dame, aux lèvres narquoises, referme la haute persienne de la salle qui livra passage aux aïeuls, et sur le chemin circulaire, autour de la pelouse, la neige ne garde aucune trace des souliers à boucles et des talons pointus. Les cavaliers se penchent, les femmes sourient, ils marchent deux à deux, non comme ils étaient joints dans la vie, mais selon le secret désir de leur cœur, enfin exaucé. Et, près des framboisiers, des voix se mêlent, émouvantes jusqu'à susciter ces bourgeons, jusqu'à faire soudain chanter des nids. Barbara, ma très douce, vous souvient-il qu'ici même, pour vous, j'ai cueilli des fruits au jus couleur de sang? Comme vous les aimiez, mamie. Vos lèvres sur ma main les prenaient, et vous me regardiez. Il y avait dans vos yeux noirs toute la tendresse que vous n'aviez pas dite. Chère âme, vous souvient-il? Et Barbara répond, je me souviens, en s'appuyant sur l'épaule de son amie. Son sein nu frissonne sous le fichu léger, et tout son corps abandonné tressaille. Mais ce n'est pas du froid de la nuit, car pour les morts, il n'y a plus d'hiver. Sur un banc tout proche, un bras ferme entoure une taille flexible. Une main longue et belle retient deux mains étroites. Laure, dites-moi pourquoi vous fûtes si cruelle. Sous ces arbres, vous me contiez qu'un homme de vos amis ne sut rien deviner de celle qu'il aimait, et que, les années ayant fui, elle lui dit un jour, alors que le passé n'était que cendre. Si vous aviez voulu. Ah, que ne vous ai-je comprise? Mais mon hommage à peine osait monter vers vous. Je vous revois, debout dans l'herbe haute. Que pensiez-vous de moi? Depuis que nos deux âmes sont libres, j'ai mesuré tout votre amour, j'ai pu prendre vos lèvres fraîches éternellement. Les têtes se confondent, et la laine pure de minuit passe sur le col penché de la belle qui s'extasie. C'est partout maintenant un bruissement de souvenirs et d'aveux. Un enfant nu glisse parmi les couples, ses yeux verts narguent les étoiles, et sa main tient une flèche d'or, dont la flamme rend plus pâle encore et plus immatériel l'argent de cette nuit. Et voici ce devant qui les femmes s'inclinent et les hommes se découvrent. Lui, de taille haute, le regard ingénu comme un printemps, elle, si frêle sous ses boucles brunes, sous son voile noir. Une blessure profonde bâille sur sa poitrine, et son amant, courbé vers sa face douloureuse, ne dit que ces deux mots « Gretel, pardonne ». Et puis, plus rien. Les bonheurs terrifiés se taisent au passage de l'étrangère qui s'est tuée, et le silence se fait si grand dans le jardin redevenu désert qu'on n'entend plus que les doigts durs de la gelée qui pince l'eau du puits. Sillon en Valais. Ici se termine Heures d'hiver, poèmes en prose de Marguerite Burnat-Provin. Enregistré par Christiane Jehanne.